Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au Saint-Excellent. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, t'es revenu la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais en Europe. Parle-moi de ton voyage, je sais que ça a bien été. Un bel article cette semaine dans le journal Le Quotidien en plus de ça. Donc, parle-moi de la suite des choses. Ben, la suite des choses, c'est que nos deux voyages, un voyage à Barcelone en 2016, voyage à Madrid 2018, aller voir jouer Lionel Messi qu'on a vu marquer un but à Barcelone, Cristiano Ronaldo qui a marqué un but à Madrid aussi, donc de beaux moments avec nos jeunes. Les jeunes sont revenus avec plein de souvenirs dans la tête, dans leur tête, moi y compris avec mes collègues aussi. Deux beaux voyages, et là on est en train de regarder pour peut-être en repartir un l'an prochain. On ne sait pas encore la destination. Moi j'aurais en tête l'Angleterre, c'est une place que j'aimerais bien aller, les jeunes seraient intéressés aussi, donc c'est dans l'air pour le futur voyage. La France, ça ne te tente pas? La France, ça m'intéresse aussi, mais je suis déjà allé. Je préférerais aller peut-être en Angleterre ou même en Italie avant un petit peu la France. C'est comme ça que je vois ça un petit peu. Benoît, on va y aller maintenant avec l'Impact de Montréal. Comment tu trouves le début de saison de l'Impact? C'est difficile, hein? C'est pas facile. Ce qu'on voit, c'est que du côté de l'Impact, c'est que du côté de la profondeur, c'est un manque de profondeur sur le banc. Hein? Il est capable de tenir le match jusqu'à la 70-75e minute. Puis Rémi Garde, souvent, apporte pas de changement. Je sais pas si tu as remarqué ça. Ah oui. Il est déjà comment est-ce que les médias montréalais sont souvent critiques, c'est très facile, mais forcé d'admettre que les changements de Rémi Garde, c'est quand même un entraîneur d'expérience, il n'est pas tout seul, il y a un staff alentour de lui aussi, là. Mais je veux dire, oui, c'est vrai que les changements arrivent tardivement et à des moments cruciaux dans le match, peut-être que les changements pourraient arriver plus tôt. Il n'y a pas nécessairement un gros banc non plus de relais. Ouais. La profondeur, comme tu viens de mentionner, est peut-être pas nécessairement là, mais quand même, il y a des moments, il y a des joueurs qui sont là puis qui ont du bagage avec l'Impact et il faut leur faire confiance, je pense. L'Impact existait avant que Rémi Garde arrive. Ouais. L'Impact a une histoire et il y a des gens qui étaient là auparavant. Il faut faire confiance à ce qui était déjà en place. C'est pas parce que tu arrives soudainement et que tu as un bon bagage de football international que tout doit être remis en question et ça repart à zéro. Non, ce n'est pas vrai. L'Impact a quand même un historique. Et puis, comment je te dirais, oui, c'est vrai que quand tu regardes, à un moment donné, il l'a dit même dans les médias qu'il regardait son banc et il faisait pas confiance. Il parlait surtout des entraînements. On va se rappeler d'Axon Amel il y a deux semaines. Il lui a donné sa chance et il l'a marqué. Mais là, l'Impact, faut regarder le classement un petit peu, Danny. L'Impact est huitième et commence. Il faut pas trop donner de perte de points comme on a perdu à Chicago mercredi soir. Pas prendre trop de retard dans le classement. Là, on est déjà à 5 points de la 8e place. Donc, faire attention à ce niveau-là parce que on sait que rendu au mois de juin, juillet, ça peut faire mal ces points-là qu'on perd. Là. OK. Donc, et aujourd'hui, c'est l'Union de Philadelphie, l'Union qui est quand même assez prenable, ça, l'Union. Là. Oui, l'Union, c'est prenable. C'est un match au Stade Saputo. Tu regardes le classement, l'Union est tout de suite derrière l'Impact. On a un point en avant de l'Union. Il faut absolument que l'Impact remporte une victoire aujourd'hui là, pour se remettre en marche, pour se tenir pas trop loin là, des six premières positions là, qui amènent en série fin de saison pour la Coupe MLS. Et puis, on sait que la semaine prochaine, c'est Zlatan qui va être en ville lundi prochain. Donc, ça va être intéressant aussi ce match-là. Là. Donc, on a deux matchs consécutifs au Stade Saputo. OK. Donc, on va surveiller ça de près. Tu veux parler de la finale de la Ligue des Champions qui va avoir lieu la semaine prochaine? Ben, est-ce que tu préfères parler de la Ligue des Champions ou terminer en MLS avec peut-être l'arrivée de Rooney? On va y aller avec la Ligue des Champions. Bon, on va continuer avec la MLS. Tiens, Wayne Rooney qui s'en irait avec DC United. Et ce qui est intéressant dans le cas de Wayne Rooney, pardon, c'est que, écoute, dans le cas de Rooney, c'est que 20 millions qu'on dépenserait. Oui, 20 millions qui iraient au club d'Everton. On sait que, écoute, Danny, Wayne Rooney est arrivé en première ligue anglaise à 16 ans avec justement le club d'Everton. Il a terminé un peu son tour de piste avec en ligue anglaise cette année avec Everton parce que c'est le club qui l'a formé, c'est le club qui l'a amené en première ligue. On lui a donné sa première chance. Mais à 16 ans, tu imagines-tu, Danny, à 16 ans, écoute, un Canadien, tu penses-tu qu'un joueur qui irait dans le national à 16 ans? Alors, au soccer, ça s'est fait avec un gars comme Wayne Rooney. Ça veut dire que ce gars-là avait des qualités incroyables, ça c'est certain. Et il a une superbe carrière avec le Manchester United. On n'a qu'à aller voir sur Google, sur Internet, et voir qu'est-ce qu'il a pu faire avec le Manchester United. Plusieurs championnats, plusieurs titres avec Sir Alex Ferguson, qui était entraîneur dans ce temps-là. Il a joué avec l'équipe nationale anglaise aussi. Plusieurs Coupes du Monde à son actif. Des euros aussi, sans même que l'Angleterre, on sait que ne se rend pas nécessairement très très loin dans les phases finales de Coupe du Monde. On parle souvent de quart de finale, huitième de finale, mais ça serait un beau joueur en MLS. J'espère que ça va se concrétiser tout ça. On a parlé de la Chine un peu aussi à travers ça, mais c'était pas mal solide et sérieux avec le DC United. Donc ce serait une belle arrivée en MLS encore là avec lui et Zlatan cette année. Sauf que dans le cas de Rooney, ce qu'on dit, c'est que comme attaquant dans la MLS, il risque de connaître des difficultés. On le voit plus comme milieu de centrale. Ben écoute, je sais pas maintenant. Il va sortir d'une saison en Angleterre. Il faut dire qu'il sort d'une saison en Angleterre. Il y a eu quand même une bonne saison, Wayne Rooney. Il faut regarder ça. Je regarde ça avec Everton. Il a quand même marqué 10 buts avec Everton. Est-ce qu'on va le mettre en un peu une position comme Piatti à l'offensive, un demi peut-être à l'attaque, selon quel joueur qu'on a avec le DC United? J'ai hâte de voir. Il y a peut-être on a peut-être dit commenter ça un petit peu là, sur les réseaux sociaux, sur les médias américains, mais on va voir à quelle position l'entraîneur du DC va l'utiliser. Dans le cas de DC United, écoute, il y a un nouveau stade cette année. On va passer de l'équipe qui dépense le moins au milieu de peloton d'une claque. Ben, c'est ça. Écoute, oui, les équipes de la MLS, ça s'est rajeuni. On a de plus en plus de jeunes. Il y a des équipes qui avec leur académie, qui forment de plus en plus de joueurs. On a de plus en plus de jeunes qui arrivent d'Amérique du Sud aussi. Et de temps en temps, ben, on a encore des grands noms de fin de carrière pour le marketing. Ça fait partie encore du marché de la MLS d'avoir de grands noms qui arrivent en Amérique du Nord. Et quand ces joueurs-là font la tournée aux États-Unis dans les différents matchs des week-ends, les stades se remplissent aussi. C'est bon pour la Ligue aussi. Effectivement. Il s'en apprendrait. Ben, à Chicago, tu as Bastien. Je partais pour dire il n'y a pas de vedette à Chicago, mais c'est pas vrai. Bastien Schalberger. Qui est une vedette là-bas. Là. Bastien Schweinsteiger, c'est quand même un grand nom de la famille de foot avec l'équipe d'Allemagne. Et puis, il a joué avec le Manchester, il a joué avec Bayern. Je crois qu'alentour de lui, il y a peut-être un petit peu plus de difficultés là, avec Chicago qui ont de la difficulté à remporter des victoires aussi. OK, on va y aller avec la Ligue des Champions maintenant. La Ligue des Champions, la finale est prévue pour le samedi 26 mai. Justement, moi, Espoir Soccer, tu sais que je vais avoir un petit lieu encore cet été pour la Coupe du Monde. Et Tu ne seras pas là? Je suis là les deux premières semaines. Je suis là à partir des quarts de finale, je suis plus là, mais il y a quand même soit 50 matchs qui vont se jouer avant. Là. Donc, Espoir Soccer va être là. À Alma, là, chez le restaurant GDE, en collaboration, parce que les matchs sont beaucoup le matin. Donc, on a regardé peut-être le déjeuner de la Coupe du Monde. On va inviter les gens à venir prendre un petit déjeuner le matin et le dîner aussi. Et le 26 mai sera peut-être le match qui va inviter les gens, là, les gens de mon entourage sur le cadre à venir voir la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid qui vise un troisième titre consécutif contre FC Liverpool. Ça va être un bon match, je crois. Le match est à Kiev, en Ukraine. On sait que, comme je viens de mentionner, Real Madrid, troisième titre consécutif, mais on vise un 13e titre en Ligue des Champions. Et de l'autre côté, Liverpool a 5 titres. Donc, ça va être un bon match. Je crois que je favorise un petit peu le Real Madrid. OK, OK. Il y a la Ligue Europa également qui est cette semaine. Ligue Europa, la finale va se jouer, j'ai pas la date exacte de la finale, mais c'est l'Atlético Madrid. C'est mercredi. Qui va jouer contre quand même l'Atlético, qui va aller jouer contre l'Olympique de Marseille, donc un club français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un club français en finale, surtout à Ligue des Champions. On sait que l'OM de Marseille est le seul club français qui a remporté la grande Ligue des Champions. C'est en 94. Mais dans l'Europa League, il n'y a pas beaucoup de clubs français qui ont gagné des Coupes d'Europe. Donc, on vise une victoire. Moi, ce que j'aimerais bien voir les deux équipes de Madrid remporter la Coupe d'Europe, la Coupe Europa et la Ligue des Champions. On sait que la Ligue des Champions est en première place, parce que c'est vraiment les gros clubs européens. L'Atlético vise la Ligue des Champions, mais moi, je pourrais dire que dans l'année 2018, j'aurais vu le Real Madrid et l'Atlético Madrid champions avec mes jeunes. Ça serait, je trouverais ça intéressant. Ces deux clubs-là remportent chacun de leur côté les finales. OK, OK. Maintenant, on va y aller avec les différents championnats d'Europe. Ben, les cinq grands championnats, Danny, je voulais te parler un petit peu de ça. Il reste encore un ou deux matchs à disputer dans les championnats en Europe. C'est pour ça que probablement que quand en Angleterre ça va être terminé, c'est là que Wayne Rooney va faire le transfert ici en MLS. En Espagne, moi je t'ai toujours dit que je mettais l'Espagne en première position, mais quoi que l'Angleterre a peut-être un championnat dans son global d'ensemble plus relevé un peu, mais moi je mets l'Espagne parce que le Real, l'Atlético, le Barça remportent depuis des années la Ligue des Champions. Donc c'est le FC Barcelone qui a remporté le championnat de la Liga cette saison. L'Atlético est deuxième. Le Real a perdu un match cette semaine, donc ça veut dire que c'est l'Atlético qui devrait terminer deuxième. Le meilleur buteur, Lionel Messi, présentement, qui a 33 buts. OK? En Angleterre, en Première Ligue, c'est le Manchester City. Il reste deux matchs en fin de semaine et la semaine prochaine. C'est Manchester United qui est deuxième. Le meilleur marqueur, présentement, l'Égyptien Mohamed Salah, qui est en tête de liste des marqueurs avec 31 buts. C'est lui qui joue avec le FC Liverpool. Okay. Donc, ça va être intéressant à voir jouer en finale de Ligue des Champions. En Allemagne, en Bundesliga, c'est encore le jour de la marmotte. C'est le Bayern de Munich qui remporte, je pense, le 5e ou 6e titre consécutif. C'est le gros club en Allemagne, c'est bien certain. Ils ont perdu en demi-finale très, très serré. On va se rappeler contre le Real Madrid. On a eu quelques critiques envers les arbitres lors de ce match-là. Le match retour, on va se rappeler. Mais en Allemagne, c'est encore le Bayern qui remporte. C'est le club de Schalke qui est en deuxième position devant le Borussia Dortmund. Le Polonais Robert Lewandowski avec 29 réalisations et le meilleur marqueur avec le Bayern. Il est en première position, même avec deux matchs à jouer. En Italie, en Serie A italienne, il reste deux matchs, mais la Juventus devrait remporter encore un 4e ou 5e titre consécutif devant Naples. On a 6 points d'avance. On a 6 points d'avance et il reste deux matchs. Je pense que c'est pas mal assuré que la Juventus, et on sait que c'est la dernière année du gardien Buffon dans les buts, donc. Et il ne sera pas à la Coupe du Monde. C'est un peu dommage pour l'Italie cette année en Russie. Ça va être un petit peu dommage. Mmh. Le meilleur marqueur en Italie, Ciro Immobile, il a 29 buts. Ciro Immobile, hein, monsieur? Un Ciro Immobile, il joue pour la Lazio de Rome. Il joue en équipe italienne, en équipe nationale. Il n'a pas réussi à qualifier l'équipe italienne. Il a un nom assez spécial, hein? Et en France, moi je mets comme 5e championnat en Europe en Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui remporte encore une fois le titre avec plusieurs points d'avance. Il reste deux matchs, comme j'ai mentionné. En deuxième position, c'est très serré, 2-3-4, c'est Lyon, Monaco, Marseille, de 75, 74, 73 points. Et on sait que ces positions-là sont importantes pour l'an prochain, pour les places en Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça que les deux derniers matchs vont être assez relevés là, au championnat de France. Le meilleur marqueur, Edinson Cavani, qui joue l'Uruguayen, il joue pour le Paris Saint-Germain avec 28 buts. Donc, ça fait le tour de table des grands championnats en Europe. Bon, ben on s'en reparle dans 2 semaines, Benoît. Oui, Danny. C'est la chronique du soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.